ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعادني وإياكم منها. أما بعد، بدأت جديد يستنتجل الخلاف بين العلماء. الخلاف بين العلماء لا يوجد في العلماء أدخل السفا de la communauté. On commencera par dire الخطأ, l'erreur. الخطأ لابد منه. Pourquoi? Il y a obligatoirement erreur. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. Si tous les enfants d'Adam font des erreurs. Mais le meilleur ou les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui se repentent. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre de l'erreur? On expliquera en détail au fur et à mesure qu'on va avancer dans le DAP. C'est qu'il y a le khata volontaire et involontaire. Et en général, quand on parle de ulama, c'est une erreur involontaire. Donc on a dit ولكن الخطا لا بد من الرجوع عنه وتركه. L'erreur, il faut revenir sur son erreur. Et il faut la délaisser. قاله من قال. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant quelqu'un vient et te dit voilà telle chose c'est comme ça, et tu vois que dans son raisonnement il y a une erreur, tu la délaisses. Tu délaisses. قَالَهُ مَنْ قَالْ. Ça fait n'importe qui te ramène cette parole-là. وَعَمِلَ بِهِ مَنْ عَمِلَ. Même si lui s'abstient ou il s'entête dans son erreur. Mais toi tu sais que c'est une erreur. Et on va le voir comment on reconnaît les erreurs. Même si c'est Cheikh Foulan ou l'Alim Foulan, il t'a dit fais ça ou tu peux faire ça, mais tu vois qu'il y a une erreur là, tu la fais pas. Parce que notre exemple, c'est le prophète pendant ce temps. Pour deux raisons, on va pas le suivre. لِأَنَّنَا مُتَعَبِّدُونَ اللَّهَ بِكِتَابِ اللَّهِ. Parce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec le Coran. وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة الصحيحة دي بروفيت صلى الله عليه وسلم. Voilà les deux plateaux de la balance avec lesquels on juge. القرآن والسنة الصحيحة. Donc maintenant si tu as le vient et te dit voilà ça c'est permis ou ça c'est pas permis, mais tu vois qu'il dit contrairement au Coran et à la Sunna, tu prends pas de ce alim. كائنا من كان. Même si on est fait avec cette chose là. ونحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. Et comment on connaît la vérité? Comment on connaît les rijal? Comment on connaît les hommes? Avec la vérité. Et non pas le contraire. C'est pas les hommes qui nous ramènent la vérité, mais c'est la vérité qui nous ramène les hommes. ونؤمن بأن العذر قائم لمن قال أو عمل من السابقين بالضعيف. Et puis on sait aussi une chose, c'est que l'excuse, العذر, l'excuse, il est toujours là, toujours présent. La personne est toujours excusable. Même s'il a utilisé le da'if. Le da'if, c'est-à-dire le qawl da'if. Alaykoum salam wa rahmatullah. Même s'il a utilisé le qawl da'if. il est excusable. On le verra par la suite. ما دام ينطبق عليه ما جاء من الشروط في هذا الدرس. الحمد لله on a pu prendre des conditions pour laquelle la personne ou le alim amène un qawl ou il fait une erreur dedans est excusable. S'il remplit ces conditions. S'il remplit ces conditions, il y en a six grandes excuses. Non, il y en a plus. Ce sont les grandes que l'on trouve en général dans les livres de Muhaqqiqin. On trouve six grandes excuses. Mais il y en a plus. Si ce alim ou cette personne-là, ce da'iya, il vient avec un call, il remplit une de ces six conditions, il est excusé. S'il ne remplit pas ces conditions-là, il ne sera pas excusé. Donc on a dit. ما دام ينطبق عليه ما جاء من الشروط في هذا الدرس ولكن من وصل إليه الحق وجب عليه العودة إليه والعمل به. Mais maintenant, si la vérité est arrivée à lui, la vérité elle est arrivée à lui, tu vas savoir du dalil, un tel ou غيرك, que ce soit toi, parce que c'est sûr que toi aussi tu sois un alim, comme ce alim qui est en face de toi, ou il se peut que tu sois un mujtahid, ou il se peut que tu sois un talib al-ilm. En bas là, si tu as la vérité avec toi, le haq ma'aka, et que tu as fait voir le haq, et c'est ça le haq, il est obligé de te suivre. Sinon, s'il ne te suit pas, alors là, ça rentre dans un autre chocolat. Il rentre dans l'erreur volontaire. Il rentre dans l'entêtement. Comme on voit le muta'assiboun fil madahib, ta'assub al madhhabi, ceux qui s'entêtent dans le madhhab. Ah, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed al-Ladi, ça c'est ça. Comme les jeunes, rahimahumullah, ce sont des hommes, ils ont droit à l'erreur. Ils ont droit à l'erreur. Mais la vérité est arrivée, elle est arrivée à toi. Et toi tu te retiens, tu dis non, moi mon cheikh il a dit ça, c'est ça. Et après, quand tu l'as dit, qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam, t'as fait le cheikh, tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu dis le cheikh il a dit. Ça c'est le ta'assub, c'est l'entêtement qui a rejeté. فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْخَطَى وَتَعَصُّبُ فَاللَّهُ حَسِّبُهُ. Si vraiment il s'entête à l'erreur, il veut rester dans son erreur, il s'entête avec قَلْ شَيْخِهِ وَتَرُكُهُ إِلَى اللَّهِ. Tu peux rien faire toi, tu peux rien faire. فَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ. C'est Allah qui va te mettre en occupé. كَائِنَ الْمَمْكَانِ. Qui que ce soit, que ce soit. Notre exemple c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et personne d'autre. وَإِنَّهُ وَلَا شَكَّ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ. Ici donc comme on vous a dit, il reste dans cet entêtement et qu'il veut rester sur ses arguments même s'ils sont faibles, c'est le mieux. Mais il se peut que ce alim qui est en face de toi il fasse une erreur dans un domaine, mais que dans le reste, il ne fasse pas d'erreur. Ça ne voudra pas dire que lui, il a fait une erreur ici, c'est fini. Je ne prends plus de lui, je ne l'écoute plus, c'est fini. Il est égaré. Non. S'il remplit bien sûr toujours les conditions, comme vous avez dit. S'il ne remplit pas les conditions, on troque. D'accord ? Aqul. Laqad asama Allahu hadhihi al-umma. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé cette communauté min an تختلف في أصل عقيدتها. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى préservé cette communauté, la communauté du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, sur sa base qui est l'aqida, sur la croyance. وفي مصدر شريعتها. Et il a préservé la source d'où elle puise la jurisprudence qui est le Coran et la Sunna. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit que le Coran et la Sunna ce sont deux sources qui n'en font qu'une. On ne peut pas dissocier le Coran de la Sunna et la Sunna du Coran. Ce sont deux sources qui n'en font qu'une. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala les a préservées. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. D'accord ? Kama ikhtalafa al-yahud wa an-nasara fi salat al-umam. Comme on peut s'apercevoir que les yahoud et les chrétiens, ils sont séparés. mais la communauté du prophète Mohammed sallam, elle ne s'égarera jamais dans la base sur laquelle elle tire l'enseignement, c'est le Coran et la Sunna Sahiha. Ne s'égare du Coran et de la Sunna que celui qui se sent égaré, que celui qui ne puisse pas ses sources du Coran et de la Sunna Sahiha, lui il s'égare. Mais s'il puise du Coran et de la Sunna, il ne s'égare pas. On pourrait très bien dire, mais regarde, on voit bien ces groupes qui se sont égarés. Oui, mais pourquoi ils se sont égarés? Parce qu'elles n'ont pas puisé de là où il fallait. Elles n'ont pas puisé du Coran et de la Sunna Sahiha, comme les prédécesseurs l'ont compris. C'est très important. Parce que tu peux très bien me dire, oui, mais moi je suis le Coran de la Sunna, mais comme je l'ai compris, moi, pas comme les prédécesseurs l'ont compris. Même un temps. Même si tu es un grand alim, et justement si tu es un grand alim, c'est parce que tu as suivi le chemin de vie prédécesseur. Moi, tu ne serais pas arrivé à ce degré-là. وَلَقَدْ حَضَرَهَا اللَّهُ عَنِ الْفِرْقَةِ Allah l'a mis en garde contre le firqa. Le firqa, c'est la division. وَالْخِلَافِ Le désaccord. وَالْإِنْحِرَافِ La déviation. وَتَشَتُّتْ La dispersion. وَالْتَمَزُّقْ Le déchirement. حَيْثُ قَالَ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سورة آل عمران Aya 105. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que l'épreuve leur fut venue, et cela auront un énorme châtiment. وَهَدَ هُوَ سِرُّ وَحْدَةِ الْأُمَّةِ فِي عَقِدَتِهَا وَفِي مَشَاعِرِهَا وَفِي أَحَاسِيسِهَا وَعَوَاطِفِهَا وَفِي أَعْرَافِهَا وَعَادَاتِهَا وَتَقَالِدِهَا الأوطان. Et ça, c'est le secret qu'il y a dans l'unicité de la communauté, dans sa croyance. Pourquoi? Par rapport à là où elle puise ses enseignements qui sont dans le Coran et de la Sunna. Et par l'intermédiaire du Coran et de la Sunna, elle préservera donc ses habitudes, ses coutumes. Arafa, ce sont ce qu'on appelle en français de l'éminence. L'éminence, c'est-à-dire les élages. Rahmartilat et Shu'ub, malgré les différentes tribus, différentes nations, Ta'addud al-Awtan et le nombre indéterminé de nations qu'il y a. Yaqulu subhanahu wa ta'ala. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. Nous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons voilà, nous avons peuplé de tribus et de nations afin que vous reconnaissiez entre vous. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. Les meilleurs d'entre vous, ce sont les plus pieux d'entre vous. ورغم تألب الأعداء وملغيه تألب الأعداء وكيدهم لها ودستهم لتفريق صفوفها تألب les rues pour diviser les rangs des musulmans. وَصَبِّهَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc commençons par Shaitan, à l'attendre à lui. أَمَّا الْخِلَافُ الَّذِي يَكْثُرُ غُرُودُهُ فِي كُتُوبِ الْفِقْهِ. C'est une introduction. أَمَّا الْآنَ وَضَغْ الْخِلَافِ. Le khilaf, il se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle le khilaf الَّذِي يَكْثُرُ غُرُودُهُ فِي كُتُوبِ الْفِقْهِيَ. Les khilafs qu'on trouve dans les livres de jurisprudence. Savoir khilaf, c'est le furu' en général, c'est un khilaf dans les branches. C'est pas un khilaf dans l'usul. L'usul, c'est quoi? C'est l'aqida. L'usul, c'est l'ahkam. L'usul, c'est la base sur laquelle tous les ulama, tous les musulmans sont unanimes dessus. Ils ne reviennent pas dessus. Salat al-Dhuhr, 4 rak'at. Tout le monde est d'accord dessus. Salat al-Maghrib, 3 rak'at. Tout le monde est d'accord dessus. C'est ce qu'on appelle l'usul. L'usul, c'est l'aqida. التوحيد الربوبية reconnaître l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى dans la seigneurialité, reconnaître التوحيد الألوهية l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى dans la divinité, reconnaître التوحيد أسماء الله والصفات l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى dans ses attributs, ses qualités. Ça c'est les bases. Et après on a ce qu'on appelle le furu'. Le furu', par exemple, qui c'est qui a été créé en premier? Est-ce que c'est le qalam ou est-ce que c'est l'arsh? Ça, ça rentre dans le furu'. Est-ce que sunnat basmala c'est sunnat dans qaul bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin fil fatiha fi bidayat as-salah c'est sunnat ou c'est obligatoire? Ça c'est ce qu'on appelle le furu'. D'accord? Wa huwa fi jumlatihi la yufsidu bihi al-amal. Et ce khilaf qu'il y a, en général, si toi tu n'es pas d'accord avec moi et moi je suis pas d'accord avec toi, ça n'annule pas nos actions. Ça n'annule pas notre aqidah, ça n'annule pas notre base. Il suffit que toi tu ne sois pas d'accord avec moi, est-ce que je mets mes mains ici ou est-ce que je mets mes mains ici? Est-ce que je lève les mains pour faire Allah Akbar quand je vais partir en recours ou je ne le lève pas? Ça c'est ce qu'on appelle le furu'. Mais nous, qu'est-ce qu'on vous a dit toujours? On se rapproche toujours de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, on fait. Il a pas fait, on ne fait pas. Intal amar. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui a un avis différent du tien, c'est le furu', il ne faut pas que tu le regardes à travers. Oh, tu dis, ah, c'est mon ennemi. Non, ça c'est le furu'. وَإِذَا كَانَ خِلَافًا. Et en plus de ça, il faut qu'il soit ce qu'on appelle خِلَافًا مُعْتَبَرًا مُشَيَّدًا. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit un خِلَاف, une divergence, مُعْتَبَرًا. مُعْتَبَرًا ça veut dire quoi? Reconnu. مُشَيَّدًا basé, construit. Construit sur quoi? Al-Kitab wa Sunnah. Si c'est un خِلَاف qui n'est pas construit sur le Coran et wa Sunnah, il a délaissé. Mais si c'est un خِلَاف مُعْتَبَر, reconnu par l'unanimité des ulama, c'est pas toi qui fais de ta tête, tiens, je vais faire ça. Non, reconnu par l'unanimité des ulama et qu'il soit construit, qu'il soit basé sur le Coran et la Sunna. Ala dalil le mustamid min kitabillahi wa sunnati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, on accepte. Et en plus de ça, il y a une autre condition qui rentre, c'est quoi? Wa ala dawabit al-qawa'id al-shar'iyya, qui soit basé sur la jurisprudence islamique, al-muqarrara bil-maqayis. Et il faut aussi, le khilaf c'est pas simplement comme ça le khilaf, il faut aussi que par rapport à la langue arabe ça soit logique, qu'il y ait des règles grammaticales. C'est pas on prend un khilaf, on sait même pas d'où il vient, on n'a pas de dalil du Coran, on n'a pas de dalil du Sunna, on n'a pas de dalil de l'ijma', consensus, on n'a pas de dalil de l'qiyas. Ou l'qiyas, s'il n'est pas basé sur le Coran et Sunna, on l'accepte pas. Tu regardes par exemple dans la langue arabe, qu'est-ce qu'on veut dire par la langue arabe? Surtout la poésie pré-islamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les arabes, ils utilisaient ce mot pour dire telle chose ou telle chose. Il y a une chose quelque part. On connaît ce mot-là. Si tu fais une chose et puis tu ne sais même pas la règle et puis dalil min al-Qur'an, il n'y en a pas. Dalil min al-Sunnah, il n'y en a pas. Dalil min al-Ijma', il n'y en a pas. Dalil min al-Qiyas, il n'y en a pas. On ne connaît pas ce mot dans la langue arabe. Les arabes ne l'utilisaient jamais. C'est rentré dans la langue arabe, mais les contemporains l'ont fait rentrer. Non. C'est pas ce qu'on appelle un khilaf mu'tabar. D'accord? Et en plus de ça, l'autre condition c'est quoi? Allati taqumu ala istiqra'i al-ulama al-thuqat. Et qui c'est qui va donner leur opinion? Et qui c'est qui va conclure et qui va appuyer ce khilaf là? Ce sont les ulama. Ils vont signer, dire oui, ça c'est un khilaf mu'tabar. Et quel ulama? Pas n'importe lequel. Al-thuqat. De confiance. الذين يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم qui suit le chemin du prophète صلى الله عليه وسلم selon la compréhension de ses prédécesseurs. Attention, l'alim c'est celui qui dit قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الصحابة. C'est pas celui qui va te dire قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأي et puis ma logique ou bien ma raison. Attention. يقول تعالى qu'est-ce qu'Allah سبحانه وتعالى dit ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم سورة النساء. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si ici, dans ce verset-là, il y a une divergence, Allah nous dit, s'il l'a rapporté aux messagers et aux détenteurs du pouvoir parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité. sans problème, sans différent avec quelqu'un. Alors on le... Alors là, il y a son prophète. Ça, c'est pour parler donc du khilaf permis. Maintenant, l'autre khilaf, le deuxième khilaf, al-mardoud, qui a rejeté, c'est lequel celui-là ? أما الخلاف المردود الخلاف المرفوض فهو الخلاف الذي يقوم على اتباع الهوى c'est celui qui se bat sur quoi ? Sur les passions sur هوى, les envies il n'a pas de dalil ni du Coran ni de la Sunna mais pour lui c'est bien ça comme ça quand il lui dit il y a un dalil il dit non moi j'ai pas de dalil mais mon هوى il dit de faire ça ma nef il dit de faire ça c'est bien ce خلاف on n'accepte pas ou bien ou bien l'entêtement aveugle à maman chef il a dit tu emmènes qui tu veux il a fait salat rasulallah ouais non chef il a dit Allah yirahmou il est mort maintenant Allah yirahmou taqfallah taqfallah ya akhi il y a des gens comme ça nous on en parle comme ça mais il y a des gens qui sont comme ça il y a des gens qui disent salat rasulallah ou kalam chef qu'est-ce que tu en fais c'est vrai et il me parle de mon chef qu'est-ce que tu en fais حداهم الله إلى سواء السبيل كلا لجد وندعو عشنا إن شاء الله وانت زفا من غير ما بزينة إذا فا دو بخاف ولا حجة ولا برهان إذا فا دو أخيما إذا فا دو أكشن وإذا فا دو أخيما إذا فا دو أخيما الصحيحة لكي تقول عندك دليل يقول لك نعم يفو فالفير إذا يفو الفير يفو فالفير من الزعبخي البزينة على المدهن خلي كتخمني شو تخمني بخاف quelqu'un prend une chose, prend même la preuve. Il y a la preuve, on n'accepte pas de preuve. Mahasalama, quand on aura la preuve, viens de voir. Subhanallah, c'est clair. Et pourquoi ? Yuridouna bidhalika an yumazziqu wahdata hadhi al-umma. Pourquoi ? Ils veulent déchirer l'unicité de cette communauté. Wa an yufarriqu hadha ad-din shi'an wa ahzaban. Ils veulent en rendre des parties, des groupes. Ah tiens, ça c'est mon groupe, ça c'est ça, c'est mon parti, que ce soit parti politique, ou là que ce soit groupe soufi, ou que ce soit kada ou kada. Ya akhi. Al-din wahid. Al-kitab kitab wahid. Le livre, il y en a qu'un seul Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qu'un seul. Le message, un seul message. Un chemin, un seul chemin. Comment on va commencer à nous diviser, et puis après on commence à se regarder à travers, et puis regarder un tel. Le chemin, il n'y en a qu'un seul. Et qu'est-ce qu'ils veulent rendre ? Parce que des fois, c'est volontaire ces choses-là. وَأَنْ يَجْعَلُوا مِنْهُ أَهْوَاءً مُتَّبِعَةً Ils veulent que ce soit des passions que les gens suivent. Voilà pourquoi les gens ils aiment tout ce qui est passion, ils aiment. Ah voilà. On dirait des drogués, gars. Tu vois des gens, on dirait des drogués. Quand tu le salues, après, le salam c'est comme ça, c'est pas comme un drogué. Ils sont mous, ils sont. Qu'est-ce qu'il y a, ils ont pas. Ouais, tu pousses comme ça, ils sont. Subhanallah. Ah, de bien là-bas. طبعا انت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت له يا عمر بن الخطاب انا ما ممكن فاش الخلاص ابو بكر الصديق رضي الله عنه الصحابه رضي الله عنهم خالد بن الوليد يا الله خالد بن الوليد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشيطان يباسي دون لاغي كي يبغي عمر بن الخطاب يتخافي انت يا هادو رجال دي ou bien shahawatin muta'atan ou bien des passions que l'on suit, des envies le hawa c'est pas basé sur qalala qalal rasul sallam c'est un plaisir à la nefs la nefs c'est l'indien l'indien le repos ainsi c'est ce khilaf alladhi yarfuduhu l'islam c'est ce khilaf là que l'islam y rejette walladhi تفضله العلماء في الخلاف لكن العلماء تصور أبوزي ils ont mis un mur entre ce khilaf et Ad-Din. Ils ont rejeté qu'il qadim et al-hadith, que ce soit le ulama prédécesseur, depuis prédécesseur, ou bien hadith de notre époque. لأن أمثال هؤلاء أرادوا أن ينشروا الفوضى الدينية. Pourquoi? Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent semer la discorde, la divinité dans la religion, ou le فوضى العلمية, حتى في العلم. Parce que parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont la science. Mais la science, من رزق العلم والفهم. Il y en a qui, Allah subhanahu wa ta'ala, a donné la science et la compréhension. Mais là, non. Mais il leur a été donné simplement la science et l'ilm. Mais le فهم, non, il n'a pas la compréhension. وهيهات هيهات أن يجتمع الحق والباطل. Et impossible, tu verras jamais, tu verras jamais, même pas au cinéma, même au cinéma tu vois pas ces choses là, que le haq il se rassemble avec le batil, la vérité et le faux. Pour autant la vérité elle remporte, même au cinéma quand vous regardez bien. Subhanallah, la vérité c'est la vérité. Tôt ou tard, le haq ou ya'lu wa la yu'la alayh. Il prend le dessus sur toute chose. Toujours le bon qui réussit à la fin des films, à la fin de dunya et fin de jinnah, inshallah. C'est toujours comme ça. Jamais tu verras le bon qui termine mal. Mustahil. Des fois, on prend de plus de gens comme ça un petit peu. Pour qu'on comprenne mieux, quoi. Donc, on a dit un. وهيهات هيهات أن يجتمع الحق والباطل في قول واحد. Tu peux pas avoir le haq, la vérité et le mensonge en accord. C'est l'opposé. أو أن تساوي الأنوار والظلم. Et tu verras jamais les ténèbres avec la lumière. Si à la lumière, il y a la lumière, c'est les ténèbres et les ténèbres. Jamais tu les verras ensemble. يقول تعالى كم الله سبحانه وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. سورة فاطر. الله سبحانه وتعالى يقول que l'aveugle et celui qui voit ne sont pas égaux, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente de même ne sont pas semblables, les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut. Alors que toi, tu ne peux, il y a un lien à Mohammed, on a sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Et Allah, tu vois comment il refuse les gens qui adorent les tombes, qui dit, moi je fais des biens pour mon chir. Je fais des biens pour mon chir, il s'agit de lui. Yeah. Si le prophète lui-même ne peut pas faire entendre les morts, comment toi tu viens, tu veux faire entendre les morts? Quand il est clair. Ah voilà, David, il est là. Donc à savoir aussi al-khilaf bayna al-umma, la divergence qui vient entre la communauté. لم يكن في أصول دينها ومصدرها الأصلية وإنما كان الخلاف في أشياء لا تمس وحدة المسلمين. الخلاف, la divergence qu'il y avait ou qu'il y a jusqu'à présent et qu'il y aura dans le futur, c'est pas un khilaf qui va toucher l'unicité de la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communauté elle doit toujours être main dans la main. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi sur ce sujet-là que tu vas t'éloigner de moi et je vais m'éloigner de toi. C'est toujours mon frère, on est frère en islam. Donc bien sûr, on va le voir avec les conditions. Mais si il y a tabayen el kufr, si tu fais une action de kufr ou bien je fais une action de kufr et puis je vais à l'encontre des enseignements de l'islam, là d'accord, tu t'éloignes de moi. Mais tant qu'on est toujours raqida, on est toujours à la raqida du salaf salaf, mais on diverge. Ah ben de tout temps, ça c'est comme ça. Même à l'époque du prophète, sallam. Et on va voir les exemples après. Même à l'époque du prophète, sallam. C'est pas nouveau aujourd'hui. Donc le khilaf qu'il y avait à l'époque des Sahaba et jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui suivent le chemin correct, le khilaf il est dans des quoi? Dans des choses qui ne font pas qu'on va diviser. Tu ne peux pas être d'accord avec moi, mais c'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi qu'on va se diviser. Et ce sera plus clair quand on va vous donner des exemples, inshallah. La mine al-ma'loum, عند جميع المسلمين, بما فهموه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم et donner à les musulmans en général, tous les musulmans, qu'est-ce qu'ils comprennent? أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم بالهدى, avec la guidée, ودين الحق, et la religion de la vérité. وهذا يتضمن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الدين بيانا شافيا كافيا. Si maintenant on croit fortement et sincèrement que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallam et qu'il a expliqué la religion à sa communauté et qu'il n'a pas refusé les explications, pourquoi le chercher de force? فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Le meilleur de Dieu, c'est le prophète Mohammed sallam. Pourquoi alors aujourd'hui on délaisse la parole du prophète sallam ou on interprète selon nos passions, nos envies ou selon notre raison, notre logique, et alors ces enseignements. Le dalil la yahtaju ba'dahu ila bayan, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre qui vient après le prophète pour nous expliquer la religion d'Allah, puisque le prophète lui-même l'a expliqué. À partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala l'a expliqué au prophète sallam et que le prophète lui-même nous l'a expliqué, pourquoi aller chercher d'autres explications? لأن الهدى بمعناه ينافي الضلالة لجد كيف كسا سنوبوزي سي كوا سي لجرمون à partir du moment où tu crois que le prophète est venu avec la guidée, ça y est, prends la guidée du prophète en salam, automatiquement tu seras pas égaré. بكل معانيها, avec tout ce qui la suscite, ودين الحق, ودين الحق بمعناه ينافي كل الدين الباطل ودين الحق, la religion de la vérité que le prophète صلى الله عليه وسلم a ramené, qui est l'islam. Si maintenant tu crois que le prophète صلى الله عليه وسلم est venu avec une religion qui t'amènera à la perfection, bah tu délaisses toute autre religion. Et ça, ça fait partie de l'aqida. فهذا ينافي كل دين باطل لا يرتضيه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. Et tout ce qui peut encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, toi tu crois à la, au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais tu ne sais pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'enseigne. Tu ne fais que encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, يوم القيامة تطارق في ديانا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait Afrika, les anges ils vont le repousser, ils vont le dire. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové dans la religion après toi. Le prophète va les délaisser. C'est grave, attention. Toi tu viens, tu es content, tu disais moi j'étais dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu te retrouves le Qiyama, tu es rejeté comme un vieux chiffon. Dans le Musta'an. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu'itha bil huda wa din al haq. Wa kana al nas fi 'ahdihi salawatullahi wa salamu alayhi يرجعون عند التنازع إليه. إيه؟ عليكم في الفرصة صلى الله عليه وسلم كيف يجون إذا فيه indifférent ou un désaccord ou une divergence sur n'importe quel point, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir le prophète صلى الله عليه وسلم. يرجعون إليه فيحكم بينهم. Alors c'est le juge, il jugeait entre eux un tel et un tel. ويبين لهم الحق, et leur faisait voir la vérité, et leur faisait voir les différentes choses sur lesquelles et les points sur lesquels ils divergeaient. فيما يختلفون فيه من كلام الله أو فيما يختلفون فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمها. Et donc ici le prophète leur enseignait, il écoutait d'un tel, il écoutait d'un tel, et il tranchait, il disait voilà la vérité elle est où. Ça c'était sur un verset qui était déjà descendu, qu'un tel n'avait pas compris, ou qu'un tel n'avait pas compris, ou qu'un tel croyait comprendre comme ça, et qu'un tel croyait comprendre comme ça. Le prophète s'est jugé. Ou des fois sur des choses où le verset n'était pas encore descendu, mais qui allait descendre. ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبينا لها. وما أكثر ما نقرأ في القرآن قوله يسألونك. Et combien de versets on voit où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette parole wa yas'alunaka yas'alunaka, et il t'interroge. Justement, il t'interroge et après Allah subhanahu wa ta'ala envoie la réponse. Eux, ils viennent interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après Allah il envoie le message. Donc des fois, ils étaient en désaccord ou ils étaient en différence dans des versets qui étaient déjà descendus, pourquoi pour l'incompréhension des textes, ou des fois, c'était pour une chose qui n'était pas encore venue. Ils étaient en désaccord jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala révèle. فيجب الله تعالى نبيه بالجواب الشافي ويأمره أن يبلغه إلى الناس. Et alors après Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que les gens ici, c'est qui les gens se sont Habar radi Allah anhum, interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yas'alunaka, on va prendre des exemples ici. Allah subhanahu wa ta'ala répondait au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une réponse réconfortante. Et il ordonnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la propager cette parole autour de lui. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. سورة المائدة verset 4. Ils s'interrogent sur ce qui leur est permis. Qu'est-ce qui nous est permis, ya Rasulallah? Dis-leur, vous sont permis les bonnes nourritures ainsi que ceux que capturent les carnassiers que vous avez dressés, comme les faucons, les aigles, tout ce genre de. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَنْفِقُونَ قُلُ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Il t'interroge, que doit-on dépenser? Dis l'excédent de vos biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une somme d'argent, en bas, si il y a en plus, c'est ça que tu vas dépenser. Ça veut dire que c'est dans les sadaqat, zakat, en sadaqat. Si par exemple, tu as juste un tout petit peu pour vivre, tu dépenses pas. Tu ne vas pas sortir zakat de ce petit peu-là. Tu n'as pas donné de ce petit peu-là. Ou si tu es un riche, et alors que Allah t'a donné des biens, tu sors. Ainsi, Allah vous explique ce verset afin que vous méditez. Dans le verset, Allah subhanahu nous dit يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Il t'interroge au sujet du butin. Dis, le butin appartient à Allah et à son messager. Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et son messager si vous êtes croyant. Et des versets comme ça, يسألونك ويسألونك, il y en a beaucoup. Il n'en a cité que trois ici pour avoir des petits exemples. ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أبقى مرض الخطاة صلى الله عليه وسلم اختلفت الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة وأصول مصادرها. يبقى مرض الخطاة صلى الله عليه وسلم سيسية لديدها صلى الله عليه وسلم كمان سيجاري du chemin c'est celui qui سيجاري de la source comme vous avez dit c'est le Coran et la Sunna صحيحة. Et en plus de ça, comme on vous l'a dit au début du verset, on est obligé de faire des erreurs. Obligé. Pourquoi? La Bouddha en yasdura min al-insan al-khata. C'est obligatoire. Li annahu ghayru ma'soum. La première des raisons, c'est parce qu'il n'est pas infaillible. Wa al-ismatu illa lil-nabi wa al-anbiya. L'infaillibilité est que aux prophètes et aux prophètes avant le prophète alayhi salatu wa salam. Eux sont infaillibles, ma'soumine. Ils n'ont pas droit à l'erreur, ils ne peuvent pas faire d'erreur. Ils sont préservés de toute erreur. Amal Insan, il n'est pas préservé. Il fait des erreurs. Ça, c'est la première des raisons. Et la deuxième des raisons, c'est quoi? لِأَنَّهُ خُلِقَ دَعِيفًا. Il a été créé faible. كَمَا وَصَّفَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ خُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِيفًا. L'homme a été créé faible. Il y a des limites. L'insan, il est da'if. L'insan, da'if, c'est عِلْمِهِ. Il est faible déjà par sa science. Il est que très peu de science. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. C'est encore un autre verset. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Il t'interroge sur l'âme. قُلْ إِنَّ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. La ruh, l'âme, c'est du domaine de mon Seigneur. C'est Allah qui connaît ces choses-là. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il ne vous a été donné de science que très peu. Donc on est faible, on est limité. وَإِدْرَاكِهِ. Et notre compréhension est limitée. وهو ضعيف في إحاطته. الإحاطة c'est quoi? C'est que tu ne peux pas englober toute la science. T'as beau étudier, étudier, étudier, il y aura toujours quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas tout englober. Que Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Allah subhanahu wa ta'ala englobe tout, toutes les sciences. أما الإنسان نوع تطع. ولذلك لابد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور. Et c'est pour ça qu'obligatoirement on doit tomber dans l'erreur. Mais comme on vous a dit, les erreurs en général, c'est les ulama ou les musulmans al-aqiyya, c'est quoi? C'est l'erreur, c'est le furu', non pas c'est l'usul. C'est l'usul, ils n'ont pas le droit à l'erreur. La base qui tire du Coran, de la Sunna Sahiha, comme on vous a expliqué, les règles du mariage, elles sont bien précises. Les règles du divorce, elles sont bien précises. Les règles du commerce, elles sont bien précises. Et les règles de la prière, elles sont bien précises. Les règles du jeûne, elles sont bien précises. Toutes ces règles-là, elles sont bien précises. On n'a pas le droit à l'erreur. Là où on aura le droit à l'erreur, c'est après, c'est une fourroie. Dans les branches, qui découle de toutes les bases. Donc maintenant qu'on a énuméré tout ça, qu'on a parlé un petit peu du khilaf al-mu'tabar, qu'on a parlé un petit peu du khilaf al-marfoud, qu'on a parlé un petit peu de la communauté, comment elle s'est divisée après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va voir ces fameuses conditions qu'on vous a dit. Ici on en a noté 6. On a dit combien? 6. Mais en réalité elles sont 6. Mais ça, ce sont les 6 plus importants. Al-sabab al-awwal. أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه. كل condition c'est que le dalil ne soit pas arrivé à celui qui va à l'encontre justement de ce dalil. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le dalil en main. Il n'a pas eu le dalil. Le dalil n'est pas encore arrivé à lui. Et ça c'est le cas de beaucoup de ulama. Deux fois tu regardes Abu Hanifa, déjà son grand élève qui est Abu Yusuf. Abu Mohamed, l'Abu, je ne me rappelle plus, c'est l'un des deux, il a remis le madhhab de son shir, il l'a révisé à trois tiers. Trois tiers du madhhab, il l'a remis en question. D'accord? Pourquoi? Parce qu'Abu Hanifa, il y avait des hadiths qui ne sont pas arrivés à lui. Imam Malik, rahimahullah, il faisait le wudu, il faisait un dard sur le wudu. Il n'avait jamais entendu parler du hadith du Tahlil al-Asabir. De passer ses doigts entre les doigts quand on fait les additions. Il y en a un dans l'assemblée, Bidab, qui a dit Ya Cheikh, Alain Tesna, Fala Rasulullah, Sassan al-Ladi Yakulu Kada wa Kada. T'as pas entendu le prophète Sassan dire que ce soumet de faire Tahlil al-Asabir dans le wudu? Il a dit Mal al-Ladi Asabir al-Hadith. Qui a rapporté le Hadith? Et donc il a commencé à énumérer les chaînes de narration. Al-Fulan, Al-Fulan, Al-Fulan. Imam Malik, Rahimahullah. عالم في الجرح التعديل يكون فيه العلم بالرجال إلى أكتب قال الصدق كان حديث صحيح وإلى مماته إلى توجور قف الأكتب الضغط في الوضوء أغطت في الحديث له ألقى طعبا إنه يكون سيطا أبقى له غضني وقد في الحديث إلى تغيب الدليل دونك لكم يكون لشان أبي سكوا أن يكون الدليل لن يبلغ هذا المخالف دليل تتغيب الذي أخطأ في حكمه إلى دنيا حكم une règle, mais il se trompait. Pourquoi? Parce que le dalil n'était pas là. Ou bien le dalil il est venu, mais il a mal été interprété, donc il n'a pas accepté. Quelqu'un est venu et puis il n'a pas su comment l'interpréter, il n'a pas accepté. وهذا السبب ليس خاصا في من بعد الصحابة بل يكون في الصحابة ومن بعدهم ce khilaf là il n'est pas simplement après les compagnons du prophète, il est même à l'époque des compagnons du prophète. On va vous donner des exemples. Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه وعبدالله ibn Abbas رضي الله عنه. Ils étaient d'accord sur un point. La femme, elle est enceinte. Ça, c'est l'exemple. La femme, elle est enceinte. 4 mois, 5 mois, 6 mois. Elle n'a pas encore accouché. Son mari, il meurt. C'est quand la Edda? C'est-à-dire la durée de vigilité, vacuité. Hein? Cette durée-là, c'est une durée où la femme doit rester chez elle, elle ne doit pas sortir, elle ne doit pas s'embellir, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas sortir, elle a le darura, hein, que si vraiment il y a une nécessité première, qu'elle doit aller chez le docteur ou des trucs comme ça, ou elle n'a pas quelqu'un qui lui fait ses courses, c'est normal qu'elle sorte, mais sinon elle ne sort pas. Elle ne se maquille pas, elle ne s'embellit pas, et personne ne peut lui demander sa main. Qu'après cette durée de vacuité. Et cette durée-là dans le Coran, c'est de combien? 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours. Après 4 mois et 10 jours, ça y est, la femme, elle redevient libre et elle peut se remarier, elle peut sortir librement, elle peut se maquiller, elle peut s'arranger. D'accord? Donc, il y a ça. Et il y a un verset dans le Coran qui dit que la femme, elle est libre à partir du moment où elle accouche. C'est-à-dire que si maintenant la femme elle a accouché 2 mois après la mort de son mari, elle n'a pas fait 4 mois et 10 jours. Mais elle a accouché donc. أنه يصل الدليل إلى المستدل ولكنه يرى أنه معارض بما هو أقوى منه من النص والإجماع. Pourquoi parce que lui il te dit ah non, moi le hadith que tu me ramènes là, il y a d'autres ulama, ils ont dit ça sur ce hadith, ils ont dit ça sur ce hadith. Ça peut être aussi compris comme ça, attention. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer la chose. Yes. On va le voir de deux visions différentes. La première, c'est le parasse ou l'entêtement. Mon chéri a dit ça. Même s'il est dans l'erreur, il le prend, il prendra pas avec ce que tu ramènes. Ou bien, toi tu viens, tu dis, qu'Allah Rasulullah sallam, dit d'aller le sahih, mais tu dis, oh, mais tala alim, mais tala alim. Voilà comment il a compris. Et pour moi, j'ai l'impression que cette compréhension est plus forte que cette compréhension. Voilà les deux visions. Toi, tu as ramené ce hadith-là comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que tel alim, il a compris ce hadith-là comme ça. D'accord? Et la dernière des conditions, c'est quoi? C'est « an ya'khud al-alim bi hadith da'if ». C'est que le alim, il va utiliser un hadith da'if. Ou yustadillu istidlalan da'ifan. Ou bien, des fois, ce n'est pas un hadith, mais c'est par rapport à l'analogie. Il a analysé par rapport à ce verset et ce hadith, il en a déduit. Et des fois, c'est un qawl da'if. Yara. Et qui c'est qui n'accepte pas ça? C'est par exemple l'imam Ahmed. Tu vois? Ou bien le Cheikh Hussam ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Albani, aujourd'hui de nos jours, Cheikh Mouqbel, ils n'acceptent pas le hadith da'if, c'est l'anal. Ils disent non, on a beaucoup de hadith sahih, pourquoi on va chercher le hadith da'if? On a beaucoup de hadiths sahiha. Pourquoi on a cherché le hadith da'if? Donc ça c'est la sixième des conditions. La dernière, c'est de prendre un hadith da'if et tu en découles une règle de ce hadith-là. On peut pas. Surtout les règles telles que, comme on vous a dit tout à l'heure, les règles du mariage, les règles du commerce, les règles de la prière, les règles du hajj, elles se basent sur des hadiths sahiha. Tu ne peux pas faire une adoration sur un hadith da'if. Qu'est-ce qui touche l'adoration? C'est tawqif. Tawqif, c'est des textes bien précis. Par exemple, il y a le cas de Salat al-Tasabih. Ceux qui disent que Salat al-Tasabih, c'est sunnah. Ben, l'imam Ahmed, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il dit que « Innaha la tasih an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ». Elle n'est pas valable cette prière-là. Pourquoi? Parce que ce Qur'an-là, il ne vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Wa qala shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ». Qu'est-ce que le shaykh al-Islam ibn Taymiyyah dit, rahimahullah, concernant cette prière-là? « Hadithuha kadib an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ». Il dit que ceux qui rapportent ce hadith-là, ils ont menti sur le prophète, sallam. Il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, de nos jours, des fois, pendant le mois du ramadan, on a vu certaines mosquées où ils se réunissent à 3h, 4h du matin et puis ils prient cette prière ensemble. Mais ceux qui ont dit que le hadith il était da'if, justement, c'est par rapport à ça que maintenant les gens, des fois, utilisent le hadith da'if. Ils disent oui, mais c'est quand même un hadith da'if. De qui on prend la science? On prend la science de deux catégories de personnes. La salita lahuma, et pas d'une troisième. Bien qu'il y a trois catégories que je vais vous énumérer. La première catégorie, alimun razaqahullahu ilman wa fahman. Un savant que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la compréhension, la science. Mais un savant qui marche dans le chemin des plus prédécesseurs. Pas un savant qui marche, il te dit oui, moi j'ai le problème, sunnah, mais selon ma raison, ma logique. Un savant qui suit le chemin de ses prédécesseurs, qui peut plus être plus sûr de lui. si tu sais que, قال الله, قال الرسول صلى الله عليه وسلم, قال الصحابة. C'est pas que de dire, ya akhi, قال الصحابة, qui disent non, non, non, mais la raison, la logique, tout ça. On n'en prend pas de lui. Une autre chose aussi, si on sait que chez tel alim il fait beaucoup d'erreurs, et que tel alim il en fait pas beaucoup, mais il en fait quand même, parce qu'on a dit que l'ismatu illa les rasoul, il n'a pas dit qu'il est au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu sais que ce que tu vas trouver chez lui, tu vas le trouver chez l'autre, va chercher chez l'autre. Si tu as chaque coin de rue il fait une erreur, c'est grave. Tu peux prendre la science de qui? Talib ilmin, indahum al-ilm. Un talib al-ilm, un étudiant qui apprend les lois islamiques, sharia, etc. C'est un étudiant, il n'a pas le degré de alim, mais il a quand même un bagage. Si tu sais que c'est quelqu'un de confiance, si tu sais que c'est quelqu'un qui a étudié, si tu sais qu'il rapporte ses aqwal de qala Allah, qala Rasul, wa qala al-sahaba, wa qala al-ulama al-thuqat, tu prends de lui. Si tu vois qu'il diverge, tu l'arrêtes, il dit, ah, y'a ça, y'a ça, y'a ça. Et c'est peu que celui qui est en face de toi, il tombe dans une de ces six conditions qu'on vous a énumérées. Donc il ne faut pas lui en vouloir. Pas pour moi. Et la troisième des conditions, c'est qui? C'est Amiyun la yidri shay'a. C'est l'ami, celui qui n'est pas alim, celui qui n'est pas talab al-ilm, c'est une personne de la communauté. Lui, on ne prend rien de lui. Lui, au contraire, il faut qu'il aille apprendre. Il faut qu'il aille apprendre. Et on ne prend pas de lui. Pas comme des fois on voit nos parents droite à gauche, ou bien des gens, des fois aussi, comme ça, ils font un peu n'importe quoi. Ah, le boucher d'à côté, il m'a dit que c'était comme ça, c'était comme ça. Ah, le khabbaz, le boulanger, il m'a dit, ouais, on peut faire ça, on peut faire ça. Ah, le khabbaz, le boulanger, là, c'est dans notre métier. Tu as besoin de la viande, va chercher ta viande sur le boucher, avec la côté comme tu veux, pas de problème. Le boulanger, tu veux ton pain, tu lui dis, arrange-moi le pain comme ça, ça. Je voudrais un pain de cette forme-là, et il te le fait. Mais que tu vas chercher le fait, toi, chez lui. Mais peut-être que tu vas le chercher chez Halim, subhanallah. Non, mais des fois, il y a des gens qui disent, ouais, là, j'ai entendu au jardin là-bas, la dernière fois, c'était avec une copine, elle m'a dit ça, ça, ça, ça. العلم يؤخذ من أفواه العلماء لا شك أن تفهم لابد يا علماء وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك